rien après la fenêtre. Hein. Ici, là, c'est à côté de... C'est ici qu'on s'est réunis? Oui, mon cher, on prépare la grande salle pour l'Assemblée Générale qui a lieu dans une demi-heure. Ah, est-ce que je suis en retard, monsieur le Président? Non, c'est Raffin, on commence juste. Allez, mettez-vous. Oui. Allez, tout le monde enlève son chapeau. La séance est ouverte. La parole est à monsieur le secrétaire pour donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Séance du comité du 2 décembre. La séance est ouverte à 7 heures sous la présidence de monsieur Mostings, président. Sont présents monsieur Mostings, président, Verduren, secrétaire, baron, trésorier, Séraphin Meulemeester, Jean Keulener, Théodore Rip, commissaire. Monsieur le président communique la nouvelle du décès de monsieur le président d'honneur Eblings. On décide sur la proposition de monsieur Meulemeester Séraphin d'envoyer une lettre de condoléances à la famille. On décide aussi d'envoyer une couronne et d'assister tous ensemble aux funérailles. La séance est levée à minuit. Quelqu'un demande la parole sur le procès-verbal? Adopté. Maintenant, nous devons choisir un candidat pour remplacer l'ancien président d'honneur. Ce sera celui du comité et comme toujours, il sera nommé. Il n'y a qu'un seul candidat, on n'a pas difficile à choisir. Ce candidat est celui de notre ami Séraphin. La parole est à M. Meulemeester pour présenter la candidature de M. Beulemans. Messieurs, pour commencer, je dois dire quelque chose. Je ne présente pas M. Beulemans. Oui, c'est délicat pour vous à cause du mariage manqué. Mais ça ne fait rien, un autre peut le présenter. Pardon, M. le Président. Vous n'avez pas la parole. Je demande la parole. Vous avez la parole. Ce n'est pas pour l'histoire du mariage, puisque c'est moi qui n'ai pas voulu. Oui. J'avais mes raisons. Naturellement, ça ne nous regarde pas. Quand on a ses raisons, on a ses raisons. Vous avez la parole. Mais c'est parce que je trouve que M. Beulemans ne sera pas un bon président d'honneur. Pourquoi? D'abord, ses affaires ne vont plus aussi bien qu'avant. Et puis, il ne sait pas parler. Et puis, ce n'est pas un gentleman. C'est vrai, ce n'est pas un gentleman. Il connaît même pas les manières. Hein? Si jamais le roi viendrait à la société, il saurait seulement pas faire comme à la cour. Voilà, justement. Mais si on prend pas celui-là, qui on prendra, puisqu'il n'y en a pas d'autre? Moi, j'en ai un. Qui ça? Monsieur Meulemeester, mon père. Mais c'est un si gros commerçant que Beulemans. Il sait causer, il est dévoué à la brasserie depuis qu'il est tout petit. Et puis, il sait recevoir. Mais est-ce qu'il sait aussi donner? Parce qu'un président d'honneur doit savoir donner. Nature, ça, hein? Oui, allez bien, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend Beulemans? Alors, je mets au voie la candidature de M. Meulemeester. Que ceux qui sont pour se lèvent et que ceux qui sont contre restent assis. Monsieur Meulemeester est le candidat du comité à l'unanimité. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Quand l'Assemblée générale commencera, je sonnerai. C'est levé. Séraphin, mon fils. Oui? Quelle nouvelle de... Ah, ça y est, papa. Vous êtes candidat du comité. Et Beulemans, combien de voix? Rien du tout. À l'unanimité? Oui. Mais alors, je suis nommé? C'est sûr. Mais je crois tout de même qu'il serait bon d'aller un peu causer gentiment les membres. Il y en a déjà dans la salle à côté. Allez, oui, venez. On va plotter les électeurs. Oui. C'est ça la salle, Beulemans? Non, c'est seulement celle du comité. La séance est déjà finie. Oui, puisqu'il n'y a que vous sur les rangs. Je crois qu'on a quand même eu tort de venir. Mais pourquoi? Vous êtes sûr d'être nommé? Ça vaut mieux de profiter de suite sur les félicitations et de payer la tournée générale. Sûr, ça on n'est jamais. Monsieur Albert, tâchez une fois de savoir s'il y a des nouveaux. À l'instant, patron. Mais surtout, faites attention aux gaffes, ne vous mêlez de rien, car je vous connais. Vous comprenez, je ne vais pas avoir la farce de l'autre fois. Mais il est gentil, Monsieur Albert. Il s'est mis de la société rien que pour pouvoir voter pour vous. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est tant plus gentil de lui que justement son père est arrivé de Paris avec le train de 6 heures et qu'il n'a pas été le chercher à la gare rien que pour venir ici. Non, M. Delpierre est arrivé. Est-ce que vous croyez que ça ira, Suzanne? Quoi? L'élection, tiens. Mais oui, pourquoi pas? Vous avez presque été nommé l'autre fois. Oui, mais non, ce n'est pas la même chose. Alors j'avais Séraphin à main, le ministre, pour me pousser. Ah ben maintenant, vous êtes tout seul candidat. Qu'est-ce que vous croyez qu'il fera, Séraphin? Rien du tout. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire, puisque vous êtes tout seul? Ça est un peu fort, ce que je viens d'apprendre. Quoi? Vous avez un concurrent. Qui, moi? Qui, Bulman? Qui, Pay? Eh oui, vous. Vous voyez, hein, il n'est bon qu'à rapporter des mauvaises nouvelles, celui-là. Et qui se permet... Monsieur Mulmester. Séraphin? Non, son père. Oh, c'est un peu fort. Et il est choisi comme candidat par le comité. Alors, je suis dedans. Mais je vous demande un peu, un homme que nous n'avons même pas voulu dans notre famille. Et qui a presque été sur la liste des protestes. Louis, président d'honneur. Mais d'où est-ce que ça sort, donc? Mais qu'est-ce que ça était? Je me rappelle encore que je lui ai prêté 2 francs avant son mariage, quand Séraphin est venu au monde. Comment? Mais oui, il n'était pas marié avec sa femme quand Séraphin est venu. Ça est vrai, ça? Prenez garde, Hortense, nous causons devant une jeune fille. Et Séraphin ne le sait pas? Tiens, on ne dit pas ça à ses enfants. Et nous autres aussi, on l'avait tenu caché, hein, puisque vous deviez le marier, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une chose que je ne savais pas. Oui, Séraphin est un enfant reconnu. Et ça se permet de présenter des candidatures. Monsieur Mulmester est candidat? Qu'est-ce que ça fait? On votera, n'est-ce pas? Mais je n'ai personne pour me pousser. Oui, mais vous, vous êtes sympathique. Et vous avez beaucoup de nos ouvriers dans la salle. N'est-ce pas, monsieur Albert? On ne vous laisse pas tomber. Vous avez encore un quart d'heure. Parlez, les membres. Payez de verre. Mais oui, et moi, je vais tâcher de voir la femme du secrétaire avec qui je fais toujours mon marché. Mais je vais. Rien que pour faire enrager Meulemeister. Allez, viens, Beulemont. Est-ce que vous croyez que père a encore de la chance? Probable. Vous travaillez encore pour lui, n'est-ce pas? Ça est sûr, ça. Oh non, monsieur Albert. Avec moi, c'est pas besoin de parler comme ça. Parlez seulement à votre langue. J'aime mieux. Ah, moi aussi, car je l'avoue, j'éprouve encore de grosses difficultés. Vous avez fait des progrès. Vous les aviez exigés. Oui, vous êtes gentil. Et tout à l'heure, quand vous êtes sorti, vous savez pas ce que père a dit? Non. Il a dit de vous. Il est tout de même gentil, ce garçon. Oui? Vrai? Alors, je suis déjà dans le tiroir d'en haut. Oui, vous avez monté. Quelle chance. Ça vous fait plaisir? Mais vous le savez bien. Faire la conquête de vos parents était mon plus cher désir. Oui. Je me demande pourquoi vous tenez tant à ça. Eh bien, tout d'abord parce que vous en avez exprimé le vœu. Ensuite, parce que M. Bulman, c'est mon patron et... que j'ambitionne ses sympathies. C'est assez naturel. Et c'est pour ça tout seul? Oui. Non, non. Vous avez raison. Il y a autre chose. Il y a surtout autre chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, une chose que je n'ose... que je ne veux pas dire encore. Ah, oh, c'est pas le moment? Non, je ne sais. Il y a peut-être... Oui, oui, je vais le dire. Ah, oh, non, non, non. Non, ne le dites pas, monsieur Albert. Si, si, je veux parler, j'en ai le courage à présent. Oh, non, non, non. Je ne veux pas que vous le disiez. Je vous le défends. Mais pourquoi, voyons? Parce que je veux le dire moi-même. Monsieur Albert, vous m'aimez. Oui. C'est pas tout de le dire, il faut le penser. Si je le pense. Mais oui, je vous aime. Je vous aime depuis que je suis arrivée chez vous. Malgré vos parents qui me rabrouaient. Malgré votre fiancée qui me défendait tout espoir. Mais comment avez-vous su? Comment avez-vous pu deviner? Oh, c'était pas difficile. Vous étiez toujours si gentil avec moi. Vous travailliez double pour m'éviter de la besogne. Quand vous vouliez partir, vous êtes resté rien que parce que je vous l'ai demandé. Vous avez appris à parler comme nous. À cause de tout ça, j'ai compris. À cause de tout cela? Oui. Et puis, à cause d'une autre raison. Laquelle? Je veux pas le dire. Dites. Eh bien, oui, je vais le dire. Non, non, non, ne le dites pas, je vous en prie. Pourquoi? Parce que je veux le dire moi-même. Mademoiselle Suzanne, vous m'aimez. Oui. Oh, c'est pas tout de le dire, il faut le penser. Hein. Je le pense, monsieur Albert. Vous m'aimez? Oui, mais pas depuis si longtemps que vous. Moi, c'est seulement depuis ma rupture avec M. Séraphin. Avant, j'aurais bien voulu, mais je ne pouvais pas. Oh, vous me rendez bien heureux, Suzanne. Ah, il me tarde d'embrasser mon père et de lui faire part de mon bonheur. Eh ben, M. Albert, vous pensez tellement à votre père que vous oubliez le mien et sa candidature. Oh, c'est juste, pardon. C'était pas le moment de négliger M. Bulmans. Je crois même que s'il n'est pas nommé, il faudra attendre quelques jours avant de lui parler de nous. Il sera nommé. Je vais me répandre dans les groupes. Je vais me livrer à une propagande désespérée. Au revoir, Suzanne. Au revoir, monsieur Albert, et bonne chance.